Nathalie, chaque fois, moi, vois au cœur, moi, qu'a déchiré. L'odeur a parfait, au café, moi, voyager loin. L'air au cas marché, en pas gâté au passé. Juste en haut, disparaît, image à ouvrir. Si elle capa les dents.